Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Et bonjour mes chers auditeurs de Radio Fadjet et bienvenue, oui bienvenue pour cette toute nouvelle édition des pastilles poétiques. J'espère que vous allez bien, que le froid de février ne vous gèle pas plus que cela et que vous avez fait dignement régal de ces crêpes qui viennent chatouiller sans cesse notre gourmandise. Aujourd'hui on va reparler, vous vous en doutez, de poésie, hein. On a souvent évoqué la poésie dans le cadre de ces petites chroniques et logiquement, car elle est le fer de lance de notre pastille. Toujours à se questionner, à savoir finalement quelle est la véritable place de la poésie. Et tout ça, je crois modestement qu'on y a formidablement un peu répondu, hein, mes chers auditeurs, déjà par le passé. Elle est partout. Elle s'exprime toujours là où on l'attend le moins et nous ravit toujours de sa surprise quand on croit l'attendre plus certainement à un autre endroit. Tantôt romantique avec des plumes telles que celles de Musset ou tantôt rimbaldienne avec, faut-il le nommer, l'intemporel Arthur Rimbaud. Pourtant, chers lecteurs, on peine à savoir à quel point les poètes et de manière générale leurs plumes apparaissent nécessaires en des temps comme les nôtres qui se veulent si sérieux, si chiffrés. Ô combien tendre à une forme de beauté sans forcément savoir écrire un vers est indiscutablement une voie à suivre aujourd'hui quand on se plaint continuellement de la laideur du monde, ou plutôt de la société. Alors continuons notre aventure dans le royaume secret et mystérieux de la poésie, car elle est essentielle, et tentons ensemble d'en percer, toujours plus convaincus, son intimité la plus profonde. Mais avant, vous le savez, petite intrigue musicale, celle qui nous va si bien, celle qui nous plaît toujours, et il faut toujours se poser la question, après tout la poésie, qu'est-ce qu'on peut bien faire juste après ? Après ça. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Chacun d'entre nous, mes chers amis, au plus petit de sa vie qu'il juge parfois si sévèrement, peut faire de la poésie. Parce qu'avant d'être un texte récité, elle est une inspiration, un cri du cœur, un intermède, tout ce que vous voulez. Dans ce monde si rapide, se consacrer une pause apparaît comme une gageure complexe et sans qu'on y prenne garde, poétiser devient une belle activité, comme un signe de vie. Certains, le nez en l'air, musardent sur leur lit, d'autres font du sport. Je ne listerai pas les activités interminables qui peuvent parfois lutter âprement contre notre ennemi. J'ai nommé l'ennui. Quoi qu'il en soit, quelles qu'elles soient, ces activités tendent à nous apporter une forme d'inspiration qui peut tendre à une forme d'activité poétique. Après tout, qui a dit qu'il fallait savoir écrire pour être poète? Oui, la poésie est une inspiration. Chez les romantiques, l'inspiration vient souvent d'une muse, entité à laquelle se consacre parfois obsessivement le ou la poétesse. Chez d'autres, le mot est l'objet d'un jeu. On aura vu cela chez Georges Perec au XXe siècle. Toutefois, j'ai bien envie de revenir aux origines, à ce moment parfois trop sous-estimé, voire fantasmé, que l'on appelait l'Antiquité. Lorsque j'abordais dans une chronique textuelle il y a quelques mois, oui, vous savez, sur Kessel, je vous rappelle que le lien, vous pouvez le retrouver sur le site de Radio Fadjet en tapant bien évidemment les pastilles poétiques, là où je dépose parfois quelques bribes de songes. Donc j'abordais dans une chronique textuelle Aristophane et la comédie. Nous avions déjà un pied dans l'Antiquité théâtrale, quasi sociale. Mais je veux parler de poésie. Le plus récemment du monde, beaucoup de jeux vidéo nous ont convaincus de ce que pouvait être, en plus de tous les textes vibrants sur le sujet, la beauté majestueuse de cette période, où la Grèce rayonnait. On peut penser par exemple à Assassin's Creed Odyssey, par exemple. Nécessairement, on s'attend à lire que la poésie est un objet divin hein, dans l'Antiquité, évidemment, et bah, c'est le cas. Dans l'Antiquité, la poésie prend la voix de ceux qu'on appelle des aèdes. Mais qui sont-ils ? Les aèdes sont des artistes qui, et les futurs jongleurs moyenâgeux s'en inspireront, chantent des épopées accompagnant leurs paroles de musique qu'ils produisent eux-mêmes par le biais d'un instrument qu'on appelle le forminx. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce forminx, mes chers amis ? Eh bah, bien, pour vulgariser, vous pensez tout simplement à cette lyre que possède Assurance Tourix dans Astérix, celui qui ne fait que chanter et dont on le rabat tellement les oreilles qu'il finit toujours par être emprisonné après un arbre. L'un des aèdes grecs les plus connus est évidemment Homère, qui composera l'Iliade et l'Odyssée. Mais comment parler d'aède, de poète, sans évoquer la parole de Platon qui, philosophant, parlait du poète dans la société antique ? Lançons-nous donc. Ce qui a tendance de se dire le plus souvent quand on aborde la question de l'existence du poète chez Platon est le fait qu'il faut indiscutablement le chasser de la cité. Ainsi, on a tendance à croire que le poète est un illuminé, Rimbaud l'aura prouvé après tout, et un illuminé dangereux. Dans le livre 10 de la fameuse République de Platon, l'auteur précise qu'il faut chasser les poètes de la cité en la personne d'Homère. Toutefois, ce n'est pas tant sa folie qui est pointée du doigt comme cause d'un rejet efficace. Mais alors, mes chers amis, qu'est-ce que c'est ? C'est le rapport à la non-vérité de la parole poétique, et donc de fait de l'illusion procurée par elle. La quête de cette vérité pour l'homme est essentielle chez Platon, à tel point que l'illusion est dangereuse pour ce dernier et surtout pour ses homologues. Il l'aura assez prouvé avec sa théorie de la caverne. Pour autant, Platon, par l'intermédiaire de Socrate, ne condamne pas unanimement la parole poétique. Il veut même que nous l'écoutions, mais attention, avec prudence. Finalement, la bonne imitation est celle qui représente le divin tel qu'il est. Pour les plus consommateurs de séries ou de films, Platon devant Harry Potter et la Coupe de Feu se serait offusqué de voir qu'on a adapté le matériau original de Rowling, sans parler de la fameuse SALE, S-A-L-E, la Société d'aide à la libération des elfes de maison, que souhaitait promulguer Hermione Granger. Mieux, la poésie et la musique rentrent dans un processus d'éducation des gardiens de la cité. Mais alors, d'où viendrait l'inspiration du poète ? Quelle forme prend-elle donc pour qu'il dût se faire houspiller de la sorte ? Tout cela, nous l'a abordé dans la suite et la fin de notre petite chronique, mes chers amis. En attendant, tentons nous aussi d'être éduqués comme jadis l'étaient les gardiens de la cité. Il est temps de s'émerveiller de musique, et parfois cette dernière a des accords majeurs, et je vous laisse savourer cela. Thank you. connais une chanson que je chantais. Y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée. C'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort. Il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Hola, babo cañoso, tenabi colonioso. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend de ton attitude. C'est 100 ans de solitude. Y a du sang sur mon piano. Y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Font grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Je connais une chanson que je chantais, une chanson qui nous ressent. Pour dire qu'hier, la saline du Penza, c'est la voix de Mandela, le tempo d'Octofella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Et oui, mes chers amis, de n'importe quel pays et de n'importe quelle couleur, la musique, comme la poésie d'ailleurs, est un cri qui vient de l'intérieur. C'est qu'avant tout, selon Platon, qui, je vous le rappelle, est l'objet de cette petite chronique, le poète délire et Lavilliers abonderait sans doute. Car tous les poètes, nous dit Socrate dans le Ion de Platon, disent tous leurs beaux poèmes non en vertu d'un art, mais parce qu'ils sont inspirés et possédés. D'ailleurs, Socrate précise ainsi que les plus beaux poèmes n'ont pas un caractère humain, et ne sont pas l'œuvre des hommes, mais qu'ils ont un caractère divin et qu'ils sont l'œuvre des dieux et que les poètes ne sont que les interprètes de ces derniers, quand ils sont possédés, quelle que soit la divinité qui possède chacun d'eux. Il est bien là flatteur de constater que la poésie est une affaire divine, non ? Toujours, selon certains philosophes de l'Antiquité, elle serait l'art le plus élevé des disciplines humaines, rien que ça. Alors le délire, c'est la discussion entre le dieu et l'homme. L'homme ayant reçu l'inspiration et la parole divine, va donc logiquement la propager. Mais pour reprendre le propos de la République, cette dernière ne sera qu'une imitation et non pas la représentation telle qu'elle devrait être. En définitive, que le poète délire, qu'il soit inspiré par sa muse ou qu'il s'amuse simplement, littéralement avec les mots, il crée. N'oublions pas que l'origine étymologique du poète en grec nous donne un sens de fabricateur. Finalement, celui ou celle qui poétise n'est pas loin de celui ou celle qui construit. Et Dieu sait que dans une société pareille, car je ne cesse de la critiquer, nous avons plus que jamais besoin de miser sur l'unité. Ainsi, les constructeurs doivent s'appliquer dans une société qui, elle, s'applique à nous désunir. Le poète, lui, devra logiquement fabriquer. C'est lui, tel un Vulcain, tel un Héphaïstos, qui devra poser les premières pierres d'un pont où viendront se rencontrer les hommes. Alors, je fais le vœu que chacun, liseur ou pas, puisse se saisir de cette chance incommensurable de pouvoir regarder en son voisin quelqu'un vers qui il est bon de sourire. Car le sourire, comme beaucoup d'autres petites choses qui font la vie, c'est bien ce qui compose aussi la poésie. Et elle est assez universelle pour que le plus petit des grands douteurs puisse, comme je le disais, sourire à son voisin, même parfois à sa voisine, et que le monde se souvienne que, même si parfois le poète est vecteur d'illusions, il peut être, hélas pour vous mon cher Platon, celui qui va unir les désunis, faire s'aimer ceux qui n'y croient plus, et c'est ainsi, mes chers amis, que se conclut notre pastille poétique. J'étais très heureux de vous retrouver ce jour, et comme j'ai l'occasion si souvent de le dire dans mes chroniques, ce fut votre serviteur Lucas, qui vous salue bien bas. Faites attention à vous, poétisez d'un sourire ou d'une bonne action, ou même, pourquoi pas, d'une rime, et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.